Chapitre 6. La punition du ciel, c'était cela. Marie Chosselin, au paroxysme de l'amour et de la rage. Il comprenait enfin ce qu'il n'avait pas voulu croire encore. La Pirane ne l'aimait plus. Elle perdait maintenant la force de dissimuler, même pour se sauver de cette course à l'abîme qui se précipitait de plus en plus rapide. Ironie des choses, à présent qu'entre elle et son amant tout était fini, les murmures de la poissonnerie commençaient. Le débardeur ne se cachait plus pour l'aborder devant tout le monde, dévoré d'une passion que n'importe qui pouvait lire dans son attitude et ses gestes. La langue marchait. Berné par elle, il ignorait encore jusqu'où s'étendait la catastrophe, et qu'un autre amour, près duquel le sien n'était que misère, chantait dans le cœur de celle qui l'avait aimé. Gabriel, au réveil, eut beau dire le lendemain du grand jour « Oh, madame Piran, quelle honte! J'étais ivre-mort hier, et Dieu sait ce que j'ai pu vous raconter. Moi qui respecte tant le patron, je ne vais plus oser le regarder. » La Pirane sait maintenant son secret. Elle sait pourquoi l'enfant la fuit de nouveau. De cet amour avoué, magnifiquement, elle se gorge en silence, la poitrine trop étroite pour contenir sa joie. Sentant venir le malheur qu'allait certainement faire Marie Chosselin, elle essaya de se maîtriser une fois de plus. Ah, que la vie eût été belle sans cet être de cauchemar dont la menace assombrissait toutes les clartés. Un matin, elle lui assura qu'elle l'aimait toujours, mais qu'il la mettait en grand danger, que son mari s'était aperçu de quelque chose, qu'elle n'avait pas osé le dire encore, et que de là seulement venait son attitude indifférente. Elle le supplia, les larmes aux yeux, de prendre patience un mois encore, de lui laisser le temps d'inventer des moyens nouveaux d'être à lui. Une furtive pression de main, un regard de perdition, et l'homme crut tout, promit tout, demanda pardon. Qu'arriverait-il dans un mois? Elle s'accordait 30 jours de bonheur sans nuage. Ensuite, adieu va. Sa ruse et sa séduction seraient toujours là pour parer au grain. « Oh, Jean-Pierre, veux-tu y dire toi-même, Astor? Voilà encore qui refuse de porter mon panier jusqu'à la branche belle. Et moi, justement, de ma lessive de ce matin, j'en suis plus fatigué que si j'avais tué quelqu'un. » Jean-Pierre lança sur sa femme, à ces mots gaillardement dits à table, 8 jours plus tard, un regard assez singulier. « Si tu refuses d'obéir, garçon, Rouen n'est pas si loin d'ici. » Le pêcheur venait de donner un coup de poing sur la table. Quel étonnement! La Pirane tressaillit. Gabriel rougit jusqu'aux yeux. En marchant sur la route décharnée de fin novembre, ce fut un sujet tout trouvé de conversation. « Vous a-t-il souvent le verbe haut comme ce matin, dites-moi? » « Quelquefois. » « Tiens, tiens. » Elle parut se plonger dans d'inquiètes réflexions. « Vous êtes peut-être trop gentille pour moi, madame Piran, » fit-il sans la regarder. Elle tourna vers lui ses yeux de lionne amoureuse, ouvrit la bouche pour parler et se retint. L'enfant énigmatique qu'il aimait et qu'elle aimait exigeait des complications, des nuances auxquelles ses rapports avec les hommes du port ne l'avaient pas initié. Le reste du chemin se fit en silence, mélancolique promenade dans les feuilles mortes. La visite de l'oncle fut plus écourtée encore que la dernière fois. Un peu de crépuscule restait entre les branches noires, dépouillées, quand ils revinrent par leur chemin de forêt. Cette ombre baignée de rouge, la solitude, l'étroitesse du chantier, un faux pas du garçon, ils furent jetés l'un sur l'autre, enlacés, collés l'un à l'autre. Les cheveux de Gabriel, pleins les mains de Clémence, qui lui dévora la bouche d'un baiser lent, profond, épuisant. Le gémissement qu'elle lui tirait, la force impérieuse avec laquelle elle le tenait contre elle, c'était encore en elle la sensation d'être le mâle qui va posséder la fille innocente, un plaisir âpre, plus triomphal de tout ce qu'elle avait senti dans l'autre étreinte. « Tu es à moi !» rugit-elle sourdement quand leurs lèvres s'arrachèrent. Et sitôt elle lui reprit la bouche, les doigts enfoncés dans la nuque blonde qui se renversait. Le prolongement de leur baiser restait en eux, tandis qu'ils revenaient, insatisfaits, tremblants. Une peur? Une pitié? Quoi? La Pyrane s'était maîtrisée au bord de l'embrasement total, avertie par l'instinct qu'il ne fallait pas sombrer dans l'irréparable. Ce n'était pas ainsi dans l'ornière d'un chemin qu'elle devait se repaître de sa proie. Bon pour un Marie Chosselin. Elle était entrée dans un domaine de délicatesse et de précaution, où rien n'était admis qui pût froisser la vierge masculine jetée par le destin dans ses bras. Chargée de nuées sombres, incertain, l'avenir lui appartenait quand même. À elle de le diriger, d'écarter tout ce qui l'empêchait encore de mener jusqu'au bout sa bouleversante conquête. Jean Pirand, Marie Chosselin, deux grossières figures interposées. Ils marchaient tous les deux, plongés dans leurs pensées et leurs sensations. Gabriel serrait étroitement le bras de Clémence. Avant les premières villas qui séparent la ville, ils se désunirent, s'efforcèrent d'avancer d'un air indifférent. En arrivant au logis, la Pyrane vit bien que le petit ne pourrait supporter le regard de Jean Pirand. « Oh, que j'ai mal à la tête !» dit-il vers le seuil. « Il faut que j'aille me coucher tout de suite. » Et quand il fut monté dans sa chambre. « La contrariété !» remarqua la rusée créature. « Il ne prétendait pas m'accompagner à nuit. Faut croire qu'il me trouve bien piante, car il est tout mot gracieux avec moi. « Ouais, ben pour toi, elle point tout à fait la même mode !» grogna le pêcheur en la fixant. « Car t'as l'air d'en être bien charmé. » T'es donc bête comme la laine, Pirand. Un gars de 20 ans. Tu sais bien que je le considère comme un poulot, ni plus ni moins. Et t'étais dans le même sentiment ces jours. Tu crois donc que je ne vois pas les yeux que tu y fais? Tu cherches à recouvrir le mystère, mais j'ai trouvé la racine à cette heure. Et ce grand berger-là ne va pas demeurer bien des jours à donner chez nous, si tu veux le savoir. Par un effort surhumain, la Pyrane resta souriante. La ligne noire de sa haine ne monta pas dans ses yeux clairs. Elle haussa les épaules et, sans plus rien dire, commença les préparatifs du dîner. La jalousie de son homme, elle le savait, passerait par-dessus toutes les considérations d'argent. C'en était fait. Gabriel allait partir, renvoyé, peut-être avant 8 jours, par l'ombrageux patron de la bonne nouvelle. Un mélange de fureur et d'horreur lui cernait les yeux jusqu'aux joues. Garder à Honfleur le petit Lecointre, c'est recommencer toutes les difficultés déjà connues, sans parler des scrupules de cet amoureux trop honnête. Faire semblant de le rudoyer, malice trop apparente, impossible à tenter. Que faire? À force de chercher, un plan se faisait jour dans son esprit inventif. Détourner la jalousie de Jean Pirand sur un autre. Quel autre? Pardi, trouva-t-elle enfin. J'y suis à cette heure. Marie Chosselin était bien là pour quelque chose, depuis le temps qu'il encombrait son existence. Démoniaque et pimpante, naviguant juste et droit dans l'archipel de ses mensonges, annonçait à Pirand qu'elle irait seule à Branchebelle, puisqu'il était jaloux du petit matelot. S'y faire accompagner, au vu et au su de tous, par Marie Chosselin. Expliquer à Gabriel, dont l'étonnement serait profond, qu'il s'agissait d'une manœuvre habile pour calmer son mari. Faire croire à Chosselin qu'elle l'aimait toujours et qu'elle bravait ainsi son homme, ne pouvant attendre plus longtemps un rendez-vous toujours écarté. On verrait bien à la suite de tous ces enchevêtrements ce qui se passerait. Et si Pirand n'en viendrait pas de lui-même à garder son matelot, sûr désormais que le danger ne venait pas de lui. Oh, l'avoir toujours dans la maison, même si jamais plus elle ne devait se retrouver seule avec lui, même si tout espoir était perdu de s'enivrer de sa jeunesse. Mais quel sacrifice exigeait cette défense désespérée? Rien que de songer à ce qui se passerait dans les bois entre elle et son amant, la Pyrane serrait les mâchoires, crispait d'avance sa volonté pour résister à l'envie qu'elle aurait de recevoir à coups de poing, à coups de pied, à coups de dents, les caresses de celui qui maintenant était à son tour devenu le gêneur, le mari, le trahi.